Einstein lui-même l'avait compris dès 1916, la relativité générale n'est pas la théorie ultime de la physique. Efficace, jamais mise en défaut, elle est pourtant incompatible avec la physique quantique, l'autre grand édifice théorique de la physique du XXe siècle, qui traite essentiellement de l'infiniment petit. Comment réconcilier ces deux théories? Les physiciens, bien entendu, suivent des pistes. L'une, la théorie des cordes, est en développement depuis 40 ans. Quoiqu'elle tienne le haut du pavé, elle est parfois contestée pour son manque de résultats tangibles. Une autre, baptisée gravité quantique à boucle, est en chantier depuis 1980 et a depuis quelques années le vent en poupe. Pour compléter notre dossier du numéro de novembre-décembre 2015, Penser l'univers aujourd'hui, il nous a semblé utile de rediffuser le débat de haute tenue qui avait opposé en 2007 le physicien américain Lee Smolin, l'un des pères de la gravité quantique à boucle, au théoricien français Thibaut Damour, spécialiste de relativité générale et expert en théorie des cordes. Le débat organisé à la Cité des sciences de la Villette en partenariat avec les éditions Duno qui publiait alors un ouvrage de Lee Smolin n'a rien perdu de sa saveur ni de sa pertinence. Nous le diffusons en trois parties. Le son n'est pas de très bonne qualité pendant les premières minutes, mais il s'améliore ensuite. Vous êtes à l'écoute de Ciel Espace Radio. Nous sommes très, très heureux et vraiment très honorés de leur présence. Vous le savez, cette soirée est rendue possible grâce aux éditions Duno qui viennent de faire paraître dans sa traduction française le dernier ouvrage de Lee Smolin sous le titre « Rien ne va plus en physique ». Et je voudrais remercier nos amis de Duno très chaleureusement et également nos amis de Ciel et Espace qui se sont associés à ce rendez-vous. Et c'est David Fosset, qui est journaliste à Ciel et Espace, qui va assurer l'animation et la modération de cette soirée. C'est à lui que je vais laisser le soin de présenter nos invités et de présenter le déroulement des opérations. Un grand merci à vous, d'autant que nos deux invités de ce soir ont accepté de signer leurs ouvrages à l'issue de la conférence du débat de ce soir. David Fosset, c'est à vous. Merci. Je vais vous présenter rapidement le déroulé de notre soirée. Là, nous avons pensé qu'on pourrait discuter pendant une heure, faire débattre Lee Smolin et Thibaut Damour sur le sujet qui nous intéresse ce soir. Et ensuite, avoir un quart d'heure d'échange entre vous et nos deux interlocuteurs. Donc si vous avez des questions tout au long de l'exposé, n'hésitez pas à les noter. Je crois qu'il y a aussi des gens dans des salles adjacentes éventuellement qui écoutent cette conférence, qui n'hésitent pas à écrire leurs questions sur un bout de papier, on les fera passer et on pourra ainsi poursuivre cet échange. Donc bon, je voulais introduire un petit peu le sujet. Donc vous savez certainement que nous vivons probablement une époque un petit peu particulière en physique, une époque qu'on pourrait presque qualifier de pré-révolutionnaire. Il y a des signes qui ne trompent pas, en tout cas des questions qui se posent. Vous savez peut-être qu'il y a de nombreux paramètres libres, notamment dans la théorie du modèle standard de la physique des particules, qui est une théorie qui fonctionne très très bien, mais dont on ne sait pas, on ne connaît pas l'origine de ces fameux paramètres font que la théorie fonctionne. C'est une question qui se pose depuis les années 70, qu'on n'a toujours pas résolu. Il y a des soucis en cosmologie qui apparaissent. Vous avez peut-être entendu parler de la matière noire, qui est donc cette matière dont on pense qu'elle existe, parce qu'elle joue sur la façon dont les galaxies tournent sur elles-mêmes, la façon dont les amas de galaxies se comportent. Et c'est une matière noire, parce qu'on ne sait absolument pas de quoi elle est constituée. Donc ça, c'est un problème qui est assez vieux, mais enfin, qui n'a toujours pas été résolu. Et pour achever cette série de problèmes en cosmologie, on a aussi ce souci avec une énergie noire. Donc on a une matière noire, on a aussi une énergie noire qui a été découverte une petite dizaine d'années, même pas. Et c'est une énergie dont on pense qu'elle accélère l'expansion de l'univers, ce qui était une grande surprise. Parce qu'elle a été découverte, on ne sait pas non plus, mais alors encore moins que la matière noire, de quoi, quelle pourrait être la nature de cette énergie. Bon, il y a quelques soucis comme ça qui font que la physique est un petit peu incomplète. Et en réalité, on le sait depuis très longtemps. Hein, le ver était dans le fruit dès les années 30, on peut dire. La théorie de la relativité d'Einstein, c'est 1915. Alors Einstein, je ne vais pas discourir trop longtemps là-dessus, mais grosso modo, vous savez qu'Einstein a une théorie de la gravitation très efficace, qui a été développée et qui donne lieu notamment au Big Bang, au trou noir, enfin une théorie vraiment très très importante et féconde sur le destin de l'univers, la façon dont la matière se comporte, etc. Et vous savez aussi que dans les années 20-30, on a développé la physique quantique sur une approche totalement différente et qui, elle, s'intéresse à l'infiniment petit, le comportement des électrons, des atomes. Et une théorie qui fonctionne extrêmement bien, elle aussi, qui est très opérante, hein, dont on a dont les conséquences sont visibles dans la vie de tous les jours. Je citerai que le laser, mais il y en a bien d'autres. Donc on a deux représentations de l'univers, grosso modo, l'une pour l'infiniment grand et l'autre pour l'infiniment petit. Et le souci, et on le sait depuis très longtemps, Einstein l'avait vu très tôt évidemment, c'est qu'elles sont incompatibles, inconciliables. Et c'est une des grandes questions de la physique que de réussir à réunir ces deux approches. Donc les physiciens y travaillent évidemment, donc Lise Molin et Thibaut Damour en particulier, et plusieurs pistes ont été proposées. Donc la plus en vogue, la plus développée, c'est la théorie des cordes. Je n'expliquerai pas ce que c'est, je pense que Thibaut Damour se fera un plaisir de nous l'expliquer tout à l'heure. Et en même temps, cette théorie des cordes qui est la plus suivie pose des questions. En tout cas, ce sont des questions que Lise Molin pose dans son livre. Est-ce qu'elle est simplement testable, cette théorie? Est-ce qu'elle représente un danger pour la science? Quand on lit le livre, on en est presque à se poser la question. Parce qu'est-ce qu'elle répond aux critères qui font d'une théorie qu'elle est scientifique? Et en définitive, puisque tant de personnes se sont investies dans cette théorie des cordes, on peut se poser la question de savoir où va la physique théorique. Donc ça, c'est quelques-unes des questions qui sont posées dans le livre de Lise Molin, qui est extrêmement intéressant. Et donc je peux présenter maintenant Lise Molin, donc je remercie d'être là. Donc vous êtes chercheur au Perimeter Institute of Theoretical Physics. Vous êtes l'un des pères de la gravité quantique à boucle, qui est donc l'une des grandes théories concurrentes de la théorie des cordes. Vous avez déjà publié trois livres, alors The Life of the Cosmos en 97 et Three Roads to Quantum Gravity en 2000. Je note que ces livres, à ma connaissance en tout cas, n'ont pas été traduits en français. Et là, je lance un appel à Duno, qui a eu la très très bonne idée de publier le dernier. S'il pouvait publier les deux précédents, ce serait vraiment très intéressant. Parce que ces livres sont plein d'idées novatrices, ont donné lieu à de grands débats aux États-Unis. Et on n'en a eu finalement ici qu'un écho un peu assourdi. Et je trouve ça dommage. Je pense que vous ne m'en voudrez pas si je vous présente comme un agitateur d'idées, en tout cas quelqu'un qui propose des choses, qui aime bien la controverse, en tout cas qui prône la controverse et le désaccord comme une façon de faire fonctionner la physique. Vous n'êtes pas d'accord, vous m'expliquerez pourquoi. En tout cas, dans votre livre, vous écrivez que des scientifiques ne devraient jamais être d'accord tant qu'ils ne sont pas obligés par les faits. Donc c'est une position très très très nette. Alors justement, Thibaut Damour, j'espère que vous ne serez pas donc complètement d'accord avec tout ce que dira Lise Molin. Vous êtes professeur à l'Institut des hautes études scientifiques, vous êtes membre de l'Académie des sciences, un spécialiste de la relativité générale. Vous avez beaucoup travaillé sur les trous noirs, les ondes gravitationnelles et la cosmologie en théorie des cordes. Vous avez publié deux ouvrages, Entretien sur la multitude du monde avec Jean-Claude Carrière et Si Einstein m'était compté, plus récemment en 2005. Voilà, bon, je clôt ici cette introduction un tout petit peu longue. Et la première question que je voulais vous poser, donc Lise Molin et ensuite, s'il vous plaît, Thibaut, c'est qu'est-ce que devrait être, selon vous, une bonne théorie d'unification de la physique? On a ces deux théories qui ne fonctionnent pas. Qu'est-ce que devrait être une bonne théorie d'unification? Very good. Thank you. And by the way, thank you, David, for doing this. Thank you, Thibault. Merci, it's a, it's a great Thibault, honor to have you join me here. Thank you, Alexis, who, if you're hearing me Merci in French, is the translator of the book and also my voice this evening. And thank you, Anne, and everybody Merci, Anne, et at Dunod for the honor of being translated into French, as David said for the first time. So I have three criteria that I think any good theory of the next step of unification should satisfy. And I want to emphasize that I have no idea about is there an ultimate unification, what is the ultimate theory. My job is to take the next step. So that's what I'm referring to, the next step is clearly the unification of our theories of space and time, general relativity, the quantum theory, as well as, if we can, the unification of the different particles and forces with each other. The first criteria is surprise and novelty. surprise et la nouveauté. Une théorie nouvelle ne doit pas être, comme a dit Feynman, une liste de ce que nous, sachions, de ce que nous savions déjà, mais une théorie nouvelle doit être intrinsèquement nouvelle. Elle doit dire quelque chose, elle doit nous raconter quelque chose d'intrinsèquement nouveau, ce que nous ne savions pas encore. Et une des questions, c'est comment cette nouvelle théorie réduira-t-elle notre liberté de penser ce que le monde est ? Il y a des choix dans la sélection des lois de la nature. Par exemple, les nombres qui seront des constantes ou des paramètres, les masses des particules ou les puissances des forces. La nouvelle théorie doit réduire la liberté de choisir ces nombres. C'est une conséquence naturelle de l'unification. Et elle doit aussi mener à la prédiction des phénomènes nouveaux. Chaque fois qu'il y a une unification nouvelle, sa conséquence est un nombre de phénomènes nouveaux auxquels on peut songer expérimentalement et qui seront falsifiables dans les expériences que nous ferons réellement dans ce monde. C'est le premier critère. Le second critère, c'est que la théorie doit être basée sur des principes. Les lois de la physique doivent être exprimées en termes des principes. Et nous devrions être capables d'expliquer ces lois de la physique par le biais des principes. Et le troisième critère, c'est le troisième auquel je tiens. C'est un critère que nous avions récemment appelé indépendance de fond, mais c'est un critère qui a une longue histoire. Il vient du XVIIe siècle et c'est une question sur la nature de l'espace et du temps. Leibniz avait un principe qu'il appelait le principe de raison suffisante, le principe de l'identité des indiscernables. Il y a d'autres principes dont nous pourrons discuter ici, si vous voulez bien, s'il y aura des questions. Selon ces principes, l'espace n'était pas absolu, mais l'espace est un réseau des relations. Et le temps n'est pas quelque chose d'absolu, mais la façon dont les choses changent, dont ces relations changent. La relativité générale est une réalisation précise de ce principe de l'indépendance du fond, des principes de Leibniz. Et lorsque nous souhaitons aller plus loin et créer une autre théorie de la cosmologie, ce que nous appelons aujourd'hui l'indépendance du fond, ça signifie qu'il n'y a rien du monde classique, il n'y a rien de ce qui soit fixé dans notre description. Il n'y a pas de géométrie classique, il n'y a pas de champ classique qui jouerait un rôle dans la nouvelle théorie. Il n'y a pas de symétrie, il n'y a pas de symétrie spatiale, par exemple de tourner quelque chose. Le système est clos, il n'y a pas de frontière au-delà de laquelle quelque chose serait fixe. Ce n'est pas possible de faire une observation externe pour voir ce qu'il y a dedans, à l'intérieur de ces frontières. Donc tout ceci, ce sont des aspects de ce principe qui est le principe de l'indépendance du fond. Et c'est le principe qui nous a fait travailler sur la gravité quantique. C'est un principe qui est satisfait par la relativité générale. Et je crois que c'est un principe qui sera satisfait par l'unification prochaine. Merci. Est-ce que vous avez quelque chose à... Oui, quelques commentaires. Je crois que l'histoire de la science montre que ce n'est pas toujours vrai que la prochaine théorie qui représente un progrès essentiel réduit les choix et les constantes arbitraires qu'il y a dans la physique. En fait, il y a deux exemples très frappants. L'un qui est la transition entre Kepler et Newton. Kepler espérait que on puisse déterminer toutes les constantes dans le système solaire, y compris pourquoi les orbites planétaires ont telle taille et telle autre. Et il a essayé de trouver une raison, une cause rationnelle à ça, qui était les solides réguliers empilés les uns dans les autres. Et Newton est arrivé et Newton a dit « Mais non, toutes ces constantes-là sont inexplicables dans la théorie que je propose, qui est purement causale, qui permet d'expliquer si je me donne la position et la vitesse à un certain moment, je vais déterminer la trajectoire, l'orbite et son développement temporel. Mais rien ne détermine en fait la taille des orbites. Et aujourd'hui, en fait, la seule détermination grossière de la taille des orbites, elle est, comme on dit, anthropique, c'est-à-dire on s'aperçoit que si on veut que la vie se développe, il faut qu'il y ait un système solaire assez stable, et, etc. Et comme ça, on arrive à une estimation des orbites. Une autre unification aussi importante, c'est Einstein et la relativité générale. Avant Einstein, on avait une théorie où il y avait beaucoup de constantes qui étaient fixées une fois pour toutes. Par exemple, la somme des angles dans un triangle est fixée à deux droits, 180 degrés. C'est ce qu'on apprend à l'école. Et c'était vrai universellement pour tous les triangles de n'importe quelle taille partout dans l'univers. Et Einstein arrive et dit non, la somme des angles dans un triangle vaut n'importe quoi. Il n'y a plus aucune loi qui détermine la somme des angles d'un triangle particulier. Il faut en fait là aussi une loi différentielle qui dit que si j'ai un nombre infini de triangles, il va sortir une loi. Donc je dis ça parce qu'en fait la théorie des cordes a des analogies avec ça. Donc je ne prendrai pas ça comme une critique de la théorie des cordes. En revanche, je suis d'accord avec les autres points de Lee. Mais là aussi, je trouvais que la théorie des cordes apporte beaucoup de surprises et de nouveautés, qu'elle prédit des classes possibles de phénomènes qui sont testables expérimentalement. Et je trouve que, de ce point de vue-là, le livre de Lee, malgré ses qualités, est un peu biaisé parce qu'il nous développe des phénoménologies que je trouve très peu fondées, vaguement sorties de la théorie quantique des cordes à boucle. Mais il oublie des prédictions assez précises liées à la théorie des cordes. Et je suis, comme Lee, un fervent admirateur de Leibniz, mais en même temps, il y a quelque chose de problématique dans Leibniz, c'est que si, comme disait Leibniz, l'espace n'est que l'ordre des coexistants, c'est-à-dire uniquement les relations entre choses, le problème, c'est qu'il faut d'abord qu'il y ait des choses qui existent, et après, vous en déduisez que l'espace n'existe pas, c'est une illusion, mais qui est secondaire par rapport aux choses. Et en fait, il serait mieux d'avoir une structure où il n'y ait ni espace ni chose, et pas de différence entre l'espace et les choses. Et je trouve que la théorie des cordes suggère qu'elle a ça à l'intérieur. Justement, on peut peut-être, puisqu'on en est à la théorie des cordes, est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement comment elle est née, quelle est un peu l'histoire de cette théorie ? Oui, alors cette théorie, elle est née en 1968 dans un travail de Gabriele Veneziano, mais c'était une théorie qui était censée expliquer la physique des particules interagissant fortement, donc qui interagissent par la force nucléaire. Et les premiers qui ont suggéré, après les gens ont trouvé que caché dans cette théorie il y avait des cordes, et les premiers qui ont suggéré que cette théorie était une théorie d'unification entre la théorie d'Einstein et la théorie quantique étaient le français Joël Scherck et l'américain John Schwartz. En 1984, non je ne sais plus où, 76, 74, non. Et donc c'est une théorie qui, en fait, on n'a pas le choix de se dire, on n'a pas le droit de se dire arrêtons de développer la théorie des cordes, puisque tout le schéma de la physique quantique avant elle, finalement, est équivalent à dire on ne fait la physique quantique que de particules ponctuelles. Et un jour, forcément, c'est-à-dire d'objets qui n'ont aucune extension. Forcément, à un moment, on est obligé de se dire il faut bien que je regarde ce que donne la théorie quantique d'objets étendus qui peuvent être étendus comme un petit élastique ou étendus comme une membrane, comme cette surface. Et la première théorie de ce type-là a été faite par Dirac pour une membrane. Et de façon assez surprenante, personne n'avait écrit pendant longtemps la théorie d'une corde. Mais le jour où on a compris qu'on pouvait faire la théorie quantique d'une corde, ce qui, je trouve, absolument fascinant pour un physicien, et de ce point de vue-là, je trouve que même si le livre de Lee est, quand on le regarde dans le détail, très précis et essaye de caractériser ce qui est connu dans la théorie des cordes et ce qui est conjecture, souvent tout de même, à la fin, il dit « bon, finalement, tout ça est conjecture » et il ne relève pas ce qui est la fascination pour beaucoup de physiciens, que la théorie des cordes, même si pour le moment tout est conjecture, ou pratiquement, a mis à jour des structures absolument extraordinaires et une richesse de structures qui, comme on dit en italien, si non è vero è bene trovato. Il y a vraiment ça. Alors, quels sont le genre de structures? Donc, on fait la théorie quantique d'une corde. Par exemple, une des choses les plus belles en théorie des cordes, extrêmement simple, c'est qu'une corde, comme une porte, doit être ouverte ou fermée. Et si vous faites la théorie quantique d'une corde qui est ouverte, c'est-à-dire qui a deux extrémités, vous trouvez qu'elle contient, à une certaine approximation, toute la théorie des interactions qui apparaissent dans le modèle standard de la physique des particules, l'électromagnétisme et ses généralisations. Et si vous faites la théorie d'une corde qui se referme sur elle-même, et on sent bien que si on a une corde ouverte, de temps en temps, ses extrémités doivent pouvoir se joindre et peuvent se refermer, donc elle doit être contenue dans la première théorie, vous trouvez toute la théorie d'Einstein. Et donc, à un niveau très fondamental, purement diagrammatique, vous pouvez dessiner une corde comme ça ou une corde qui se referme, vous avez une unification profonde de toutes les forces que l'on connaît, les interactions entre particules et l'interaction gravitationnelle. Mais plus récemment, la théorie des cordes a découvert une richesse de ce qu'on appelle des dualités, c'est-à-dire des identités très surprenantes entre certains systèmes physiques faits d'objets et d'autres théories faites d'autres objets. Par exemple, vous pouvez avoir une théorie qui ne contient absolument pas la gravitation, qui ne contient que des interactions genre électromagnétiques, électriques et magnétiques. Et cette théorie est équivalente, semble-t-il, au niveau quantique, à une théorie qui contient la gravitation. Vous pouvez avoir une théorie qui n'a aucune dimension d'espace, une théorie qui ne contient que, pas de champ, mais des particules, et elle est équivalente à avoir 11 dimensions d'espace-temps qui sortent. Et là, il y a des calculs très précis qui démontrent ça. Tout ça ne fait pas un ensemble, une théorie d'unification qui explique tout, mais c'est cette richesse de structure que je trouve n'est pas mise en avant dans le livre de Lee et qui convainc beaucoup de jeunes scientifiques que c'est une théorie intéressante. Vous avez peut-être quelque chose à répondre sur ce point précis ? Oh, bien sûr. Vous devriez voir les autres livres sur les dualités faits par les autres auteurs. Mais pour parler sérieusement des commentaires de Thibault, il est vrai, ce qu'il a dit, c'est vrai. À propos de Kepler et du passage de Kepler à Newton, ce que je veux distinguer, je veux séparer de la question que je mentionne, que j'ai mentionnée dans le livre, c'est que lorsque la science progresse, il y a deux colonnes des propriétés, si vous voulez, dans notre compréhension scientifique du monde. Il y a les choses qui sont nécessairement là, parce qu'il y a des raisons logiques, et les choses qui sont contingentes, puisqu'ils sont là comme le résultat d'une évolution qui va à partir du passé, et si le passé est différent, il y a des choses différentes. Et le progrès de la science s'applique à quelque chose dont nous pensions que c'était nécessaire, qui traverse la frontière et qui va dans la colonne des choses contingentes. Par exemple, les orbites des planètes, Kepler pensait que c'était nécessaire, et finalement, ce n'était que des contingences du système solaire. Nous pensions avant, par exemple, Kant disait que l'espace était nécessaire, que l'espace était nécessairement euclidien pour des raisons logiques, mais nous savons depuis la relativité d'Einstein que l'espace est contingent, il est dynamique, il évolue, et il est ce qu'il est comme résultat d'une évolution à partir du passé. Le pas que nous faisons, nous, ici, moi j'ai fait un pas, et lui aussi, il a fait un autre pas, c'est que ces deux pas ont quelque chose à voir avec le problème du paysage. Il y a 10 ans quand j'ai écrit mon premier livre qui a été dédié à cette question de paysage, du mouvement à partir de quelque chose d'absolu et d'a priori vers contingent. Ce qui se passe en théorie des cordes, c'est que les propriétés des particules élémentaires comme les masses, les charges, etc., la structure des classes auxquelles appartiennent les particules élémentaires, dont nous pensions que la théorie les expliquera, tout ceci est devenu contingent. Et je pense que nous sommes d'accord là-dessus. La propriété de la théorie des cordes, c'est que c'est un changement profond dans nos attentes initiales. j'ai écrit il y a 10 ans tout un livre sur cette question et nous aurions pu choisir de focaliser ces discussions sur cet autre livre. Mais j'ai appris de leçons du passé, c'est que malgré tout, dans chaque cas qui est un succès, dans chaque cas réussi de l'unification, il y a tout un tas de choses qui étaient avant absolues qui deviennent contingentes. Je veux recommencer. Il y a eu beaucoup de prédictions des autres choses que nous aurions pu tester, que nous pourrions avoir pour se convaincre de la vérité de la raison, de la vérité de la théorie. C'était le cas de la relativité générale, il y avait beaucoup de preuves expérimentales. Alors, une des questions qui m'ont mené à écrire ce livre et qui, à partir du premier livre que j'écris, c'est que ce n'est que la moitié du travail qui est nécessaire de faire des choses contingentes à partir des choses absolues. Et là, l'autre moitié, c'est de produire quelque chose qui ferait des prédictions assez exactes, assez précises, pour que la théorie soit falsifiable par la réussite ou des expériences que nous ferons sur ces choses-là. Et un des problèmes que j'ai avec la théorie des cordes, c'est que la théorie des cordes, jusqu'à aujourd'hui, n'a pas produit cette autre moitié, cette liste de choses à falsifier. Je ne veux pas passer tout mon temps sur la théorie des cordes, mais ça, c'est un des problèmes dont je parle dans ce livre. Et la question du paysage aussi. Et la question de falsifiabilité ou de vérifiabilité de la théorie. Thibault ne m'a pas posé de questions sur l'indépendance de fond. Alors, la théorie des cordes idéalisée, quelque part au bout de toutes ces conjectures dont on a parlé, qui pourraient être indépendantes du fond. Je sais, moi-même, j'ai travaillé sur la théorie des cordes, j'étais très fasciné par la théorie des cordes et j'ai passé des années à travailler sur la théorie des cordes et c'est ce que j'ai essayé de faire moi-même. Mais jusqu'à aujourd'hui, cela n'a pas été fait. Donc de l'autre côté, il se trouve qu'il existe d'autres approches à l'unification qui sont indépendantes de fond. David a mentionné la controverse et moi je n'aime pas cette controverse. Moi je n'aime pas le désaccord. Mais un des points philosophiques que je fais dans le livre, et c'est un argument qui vient de Paul Feyerabend et autres philosophes des sciences, c'est que le conflit et la controverse sont nécessaires pour l'avancement de la science. Encore plus dans un moment difficile où nous nous trouvons maintenant. Il est très rare qu'il y ait une seule théorie qui serait proposée et qu'on pourrait tester. Plus probablement, il y a plusieurs théories alternatives et que nous serons d'accord. Et en gravité quantique, il y a des théories alternatives. La théorie des cordes est une alternative et il y en a d'autres, même si la théorie des cordes a été bien étudiée. Et dans ce livre, je voulais mettre ces théories alternatives une contre les autres parce que la science avance mieux quand il y a la controverse entre les théories. Et nous devons arriver à un consensus à la fin, c'est que la science fait, mais nous devrions être forcés à ce consensus par les faits expérimentaux. Et une autre chose qui a été mentionnée en gravité quantique, c'est la théorie développée par Carlo Rovelli et moi-même, et à peu près 150 autres personnes, qui est beaucoup moins intéressante, qui est beaucoup moins fascinante et beaucoup plus directe que la théorie des cordes, mais qui met ensemble les principes de la relativité générale et de la mécanique quantique. Quelques surprises nous ont entendues sur ce chemin, sur la question de ce que devrait être l'espace, de ce que devraient être les phénomènes à petite échelle où la mécanique quantique est pertinente. Et pour moi, il y a eu des résultats très, très, très impressionnants et très fascinants de ce programme, de cet autre programme. Et d'autres questions mentionnées par Thibault. Il faut qu'il y ait des suggestions des types des expériences nouvelles. La théorie devrait produire des suggestions pour le type des expériences nouvelles. Parce que ceci pourra nous dire quels pourraient être les phénomènes nouveaux qui pourraient séparer la gravité quantique des autres approches à la théorie, à la relativité générale. Et je vais en parler dans une minute, mais je dois admettre que dans le cas, je dois dire que dans le cas de la théorie des cordes, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucune prédiction exacte pour ces expériences que nous voudrions faire. Et il y a des gens qui essaient de faire ces expériences, et il y a des gens dans la salle. Mais moi, je suis embarrassé par le manque de prédiction pour ces expériences. Alors, quelles sont les expériences qui vont au-delà de la relativité générale et les principes de la relativité restreinte pour essayer de rendre compte de ce qui pourrait être la prédiction de la réalité quantique pour la structure de l'espace et du temps. Donc, par exemple, je parlerai de la théorie qui va au-delà de la relativité restreinte, qui s'appelle la relativité restreinte au double, qui produit des prédictions exactes pour les expériences nouvelles. Par exemple, que la vitesse du photon doit varier un peu avec l'énergie de ce photon. Si les photons ont plus d'énergie, ils doivent aller plus vite que les autres. Il y a une expérience de satellite GLAST qui essaie de mesurer la vitesse des photons, et c'est une prédiction falsifiable. Il y a beaucoup d'autres choses. Je ne veux pas parler des choses trop techniques dans cette salle, mais il y a toute une liste de choses que nous utilisons pour vérifier si l'unification est bonne ou pas. Si l'unification de la théorie de l'espace-temps est bonne ou pas. Par exemple, est-ce qu'il y a une explication satisfaisante pour l'entropie des trous noirs? La réalité, oui. La théorie des cordes, elle a une explication alternative de l'entropie des trous noirs, mais pas de la classe des trous noirs qui sont observés, qui sont théoriquement très belles. Évidemment, ce sont des trous noirs très beaux, mais ils ne sont pas réalisés dans la nature. La théorie quantique à boucle a des prédictions pour les trous noirs aussi. Puis il y a des prédictions pour ce qui est les débuts et les fins du temps. La relativité générale dit qu'il y a le début du temps, c'est un théorème, que le temps doit commencer à un certain moment, que nous appelons la singularité. Par exemple, parfois on dit que c'est le Big Bang, même si le mot Big Bang signifie plutôt que l'univers est en expansion. Une des questions que la théorie de la gravité doit affronter, c'est de savoir si c'est vrai, ou est-ce qu'il y avait quelque chose avant le Big Bang. Est-ce que l'univers a existé avant le Big Bang, mais peut-être pas dans la forme de l'espace traditionnel? Et la réalité quantique fait des prédictions assez précises pour ce qui était avant le Big Bang. Et je peux mentionner ici quelques articles et quelques travaux qui prédisent des observations qui pourraient être faites pour savoir si ce fait est vérifié par la nature. Thibaut aussi il a parlé de quelques idées de ce que pourrait être autre chose que la singularité initiale. Ma compréhension de la situation, c'est que nous avons un nombre, y compris ces deux théories, mais il y a d'autres théories aussi. Ici à Paris, par exemple, il y a un programme d'unification qui s'appelle la géométrie non commutative, et il y a beaucoup de gens qui travaillent sur ce programme. Il y a un nombre d'idées, d'hypothèses, de programmes dans le monde entier pour la gravité quantique. Et tout un nombre de ce programme, y compris la théorie des cordes, évidemment, et y compris la gravité, y compris peut-être la géométrie non commutative qui est moins étudiée, ont une liste de succès, une liste de réussites. Mais aucune de ces théories n'a de succès déterminant, de réussite déterminante qui pourrait faire en sorte que les gens qui travaillent sur d'autres théories acceptent que pas leur théorie à eux, mais une autre théorie a fait des prédictions plus exactes et qui viendront travailler sur d'autres théories.